à tous et toutes et bienvenue dans les bonnes recettes d'Eric Cooper. Vous allez encore vous régaler aujourd'hui, vous allez vous lécher les doigts parce que la recette, elle est, comme on dit au Canada, finger licking good. C'est en fait une recette de burger végétarien canadien que je vous propose aujourd'hui et je me suis dit que j'allais la prendre d'un bouquin qui est d'un bouquin que j'utilise souvent qui s'appelle Veggie Burger, les meilleurs burgers végétariens du monde de Johnny Marie Newman, paru aux éditions Marabout. Parce que vous en avez peut-être un petit peu marre d'acheter des burgers végétariens dans ces petites barquettes en plastique qui sont quand même de la nourriture industrielle. Vous vous dites, mais moi j'aimerais bien faire mieux. Et donc j'ai eu envie de prendre ce burger que je consomme assez souvent d'ailleurs au petit déjeuner. Pour une fois, ce n'est pas un plat pour le soir ou pour le midi. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser le matin. Alors ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir les cuire à l'avance et les réchauffer. Donc vous pouvez les congeler pendant un mois ou deux. Et donc vous pouvez en faire une dizaine ou une vingtaine si vous aimez ça. Alors le hamburger, qu'on appelle aussi galette de Hambourg, c'est un sandwich d'origine allemande qui est composé de deux pains de forme ronde, un bun généralement garni de steak haché. C'est souvent du bœuf, des crudités, salade, tomates, oignons, cornichons, pickles et de la sauce. Alors, quand je dis du bœuf, bien depuis peu, on a eu, heureusement, on ne tue plus des bœufs, mais on peut en faire des végétariens. Alors, ce plat est célèbre dans le monde entier et surtout depuis les années 50, c'est un emblème de la culture et de la cuisine américaine ainsi que de la restauration rapide. Hamburger, en fait, fait référence à la ville de Hambourg, en Allemagne. Alors, il est courant, en Allemagne, de nommer des spécialités culinaires selon leur ville d'origine. Par exemple, le Berliner, qui est un beignet fourré de confiture, le Frankfurter, qui est une saucisse, ou le Bremer, qui est une sorte de pain au poisson que l'on nomme Fischburger en anglais. Et ces plats sont respectivement originaires de Berlin, de Francfort et de Brême. La recette a probablement été importée aux États-Unis par des immigrés allemands vers le milieu du 19e siècle. Il s'agissait à l'origine d'un steak servi avec un accompagnement de sauce. Aujourd'hui, du moins en anglais américain, le mot hamburger désigne autant le sandwich que le steak haché. Et la recette du jour, c'est donc le burger canadien, le burger végétarien canadien. C'est un mariage sucré-salé et vous allez expérimenter l'idée d'un pancake et d'une saucisse réunis dans une seule galette. Alors, pour les ingrédients, il vous faut 225 g de tempeh nature, 125 g de farine, 80 ml de sirop d'érable, 56 g, c'est précis, de margarine végétale ou de beurre, si vous aimez le beurre, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 1 cuillère à soupe de bouillon de légumes en poudre ou 1 demi-cube de bouillon émietté, 1 cuillère à café de fumée liquide ou d'arôme fumé, 1 cuillère à café de paprika, du sel, du poivre et de l'huile pour la poêle, si toutefois vous faites la cuisson à la poêle. Alors, comment faire? Eh bien, vous commencez par émietter le tempeh en morceaux le plus petit possible dans un saladier. Vous ajoutez la farine, le sirop d'érable, la margarine, le beurre de cacahuète, le bouillon de légumes, la fumée liquide, le paprika, le sel, le poivre. Vous pétrissez bien à la main jusqu'à obtenir une belle pâte. Vous divisez la pâte en 4 portions, parce que j'ai oublié de vous dire que là, je vous donne les quantités pour 4 burgers. Et donc, vous divisez cette pâte en 4 portions égales pour en faire des galettes. Vous cuisez selon votre goût. Faut couvrir les galettes d'une feuille d'aluminium et enfourner à 180 degrés thermostat 6 pour 30 minutes en retournant les galettes à mi-cuisson. Alors, vous pouvez aussi les poêler dans un peu d'huile à feu moyen vif, 3 ou 4 minutes de chaque face. Moi, je préfère personnellement les faire au four parce qu'alors on utilise moins de graisse. Bon, maintenant, ce n'est pas un problème si vous utilisez de l'huile. Alors, pour faire ressortir les saveurs salées, hein, mangez la galette telle qu'elle avec du ketchup ou glissez-la dans un bagel ou un bun rustique. Pour faire ressortir les saveurs sucrées, servez-la coiffée d'une cuillère de margarine nappée de sirop d'érable avec une brouillade de tofu. Ça fait un bon petit déjeuner. Voilà donc pour ce burger canadien que vous allez déguster au petit déjeuner. Et alors, vous allez me poser la question, oui, mais on boit quoi avec ça? Eh bien, vous n'allez pas boire de l'alcool quand même, puisque nous sommes au petit déjeuner. Donc, vous allez boire un bon café ou du thé avec ou sans lait ou sans sucre. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors je vous ai donné les quantités pour 4 hamburgers. Vous pouvez en faire bien sûr plus, soit les fabriquer, les congeler et puis les décongeler, les cuire, ou alors vous les cuisez à l'avance et puis vous les réchauffez pendant 1 ou 2 minutes. Moi personnellement je les cuis, je fais une grande quantité, je cuis, je congèle, et comme ça le matin la veille je les décongèle et le matin ils sont dans le frigo, hop, et on peut les cuire et d'avoir donc un excellent burger végétal canadien, donc veggie burger canadien. Et vous allez écouter ça, vous allez écouter quoi ? En fait, avec ce burger, eh bien, vous allez écouter quelqu'un qui est né à Montréal. Ah ! Il s'appelle William Shatner. Oui, c'est Capitaine Kirk. Il vient d'avoir 90 ans. Il a d'ailleurs fait pour la première fois de sa vie un vrai vol dans l'espace, hein, puisque je ne sais pas si vous savez, le USS Enterprise, c'était pas une vraie, c'était pas quelque chose de vrai. Et donc, depuis 1968, il a une carrière de musicien. Il a sorti de nombreux albums. Et en 2020, il sortait un album qui s'appelle The Blues. Et je vous propose d'écouter Crossroad. Il le chante ici accompagné de James Burton. Allez, sur ce, je vous laisse déguster au petit déjeuner qui sera bien copieux. Vous serez bien prêts pour la journée, donc ce burger canadien. N'hésitez pas, si vous avez peut-être envie de m'écrire, sachez que vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit. Je vous donne à tout hasard mon adresse. Donc c'est Eric Cooper 2222. Donc Cooper, c'est C-O-O-P-E-R. Donc Eric Cooper attaché 2222, tout attaché, @outlook.com. Et si vous avez des recettes à partager, eh bien vous n'hésitez pas bien sûr à me les envoyer ou alors me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette recette-là. Allez, je vous laisse avec donc le Capitaine Kirk et Crossroad. On se donne rendez-vous pour une prochaine recette, une prochaine fois. Bon appétit! I went to the crossroad. I fell down on my knees. Oh yeah. I went to the crossroad. Fell down on my knees. Ask the Lord above, have mercy now, save poor little me. Standing on the crossroad, tried to flag a ride. Standing on the crossroad, I tried to flag a ride. Didn't nobody seem to know me, baby. Everybody gone on their own time. Standing at the crossroad, baby. Rising sun, going down. Ooh, standing at the crossroad, baby. Rising sun, going. I believe to my soul now, poor Bill is sinking down. Oh yeah, oh yeah. You can run, you can run. You tell my friend Willie Brown. You can run, you can run. Tell my friend Willie Brown. At the crossroad blues this morning, Lord, I'm gonna lay my baggage down. I went to the crossroad, mama. I looked east and I looked west. Went to the crossroad. I looked west and I looked east. Lord, I didn't have no sweet woman. I didn't have no sweet woman, baby, and I'm gonna lay my baggage down.